Yeah. Spécialement dédicacé à tous ceux et celles qui se reconnaîtront dans la musique. L'artiste. La vie est trop courte pour se prendre la tête pour des choses futiles. Hein. La théorie à la pratique. Remix. Yeah. Elle a su toucher ton cœur. Parle de bonheur avant d'en donner des vapeurs. Du genre principe et valeur, respect, honneur. Tu cherches une fille bien, laisse tomber ses chaînes en chaleur. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est peut-être parce qu'elle est elle-même et c'est ça son truc. Naturelle et originale, elle aime pas le luxe. Plutôt les choses aiment, donc faut pas que tu l'uses. Attiré vers elle comme un aimant. Oublie le charme et sois intelligent avec ton cœur et pas ton argent. Les mots comptent bien plus que les cadeaux. Une bague ça suffit et deux ça en fait trop. Elle parle de centimes et centimètres. Strass et paillettes, elle ne vit pas pour le paraître. Range ta go, va, oublie tes gros bras. Faut que tu comprennes ce qu'elle veut, c'est juste que toi. Il a su toucher ton cœur, tellement différent des autres, tu as vu en lui la lueur d'espoir qui te sortira du noir, qui te fera oublier toutes ces relations bizarres. Le blizzard dans ton corps quand tu le vois, la confiance s'accorde au moins juste une fois. Qu'il abuse pas, t'es gentil mais pas bête. Fais-lui juste comprendre que tu veux juste qu'il te respecte. Y'a du bien et du mal partout, ma soeur. C'est pas parce qu'il est pas à l'heure que c'est forcément un loser. Laisse faire les choses d'elles-mêmes. Tu verras qu'avec le temps, les sentiments viendront d'eux-mêmes. N'écoute pas les autres, guide-toi avec le cœur. Un jour aussi, tes copines trouveront l'âme sœur. Crois en lui, crois en toi, crois en la vie. Car aujourd'hui, on a tous besoin de ça. Mon frère, toi qui m'écoutes, c'est pas toujours facile de vivre en couple. Y'a des hauts et des bas, un peu comme dans tout. Donc ça sert à rien pour si peu de se rendre fou. La jalousie ou je m'en foutis, mais chacun sa manière, vive la relation intime. Y'a ceux qui montrent et ceux qui montrent pas. Y'a ceux qui ont envie de changer, d'autres n'y arrivent pas. Quand ça va pas, il faut en parler. La parole en valac, crois-moi, ça peut tout changer. Les larmes et le sang à éviter. Faut poser les choses à plat pour pouvoir mieux s'orienter. Par la suite, on peut trouver des solutions. Mais être à deux signifie faire des concessions. Être correct, pas prendre pour un con, pas se prendre la tête pour un oui ou un non. Yeah, l'artiste, la théorie à la pratique. Hein. Ça sert à rien de se prendre la tête. Faut prendre l'avenir comme il vient, au jour le jour, ou si tu fais des projets ou pas. Mais ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Yeah, l'artiste. Hein.